La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. On va parler de football collégial, c'est la chronique du football collégial présentée par Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On va parler avec William Gagnon, c'est la première fois qu'on lui parle. On a parlé par le passé à Simon Gagnon, il a parlé une couple de fois par le passé, Là, il n'a pas parlé cette année, mais on va parler avec son frère William. Salut William! Bonjour, bonjour! William, troisième année au football collégial? Deuxième année, okay. Ouais, c'est ma deuxième année. Puis là, année tu vas être partant en fin de semaine. Comment tu vois ça? Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que je faisais une petite entrevue avec François Laberge sur la blessure de William Saint-Pierre pour le bulletin de sport local demain. Puis ce qu'il me disait, c'est que tu étais prêt, que c'est à ton tour maintenant. Comment tu te sens, toi, là-dedans, de remplacer William? Ouais, c'est sûr qu'il y a un petit stress, mais tu sais, c'est du bon stress. Là. C'est pas du mauvais stress, je pense. J'attends ça fait 2 ans, là, donc c'est sûr que je vais prendre ma chance. Ouais. Puis j'ai bien hâte de voir en fin de semaine. Là. Pas trop nerveux avec ton frère des deux côtés? Non, ça nous est arrivé quelques fois cette année. J'ai eu quand même pas mal de temps de jeu cette année comparé à l'année passée. OK. Puis j'aime ça, tu sais, c'est la première fois que mon frère est dans la même équipe en même temps. Ben oui, donc, ben oui. C'est sûr que tu sais, on trouve ça le fun toutes les deux jouer ensemble, là, surtout en plus qu'on est chaque côté du terrain ensemble. Ben oui. C'est le fun. Pourquoi est-ce que la position de demi, c'est ça que tu voulais faire parce que Simon, ça fait quand même longtemps qu'il est là. Est-ce que toi, c'est tout simplement par. Parce que t'as appris cette position-là ou c'était vraiment ça que tu voulais faire? Moi, en fait, je pense que c'était vraiment assez destiné à moi, vu mon gabarit qui est pas très gros. Okay. Je pense, puis je sais pas, ça m'a intéressé. J'étais allé l'essayer. J'ai vraiment aimé ça. Puis en plus d'avoir mon frère plus vieux que moi qui peut aussi me donner des trucs puis tout ça, ça m'a vraiment aidé. Fait que, okay. Ouais, je pense que avoir Simon qui était là pour m'aider, ça a vraiment bien fait. OK, OK. Fait que, dis-moi, si on parlait un peu de ta saison, tu as joué pas mal plus cette année. L'an prochain, il y a plusieurs joueurs qui vont partir. Est-ce que tu. Comment t'entrevois ça? J'imagine que tu auras plus de temps de jeu. Oui, c'est sûr que là, l'année prochaine, on perd beaucoup, beaucoup de joueurs, surtout à ma position en tant que demi-défensif. On perd, si je me trompe pas, c'est 3 ou 4 partants. Fait que toi, tu vas avoir une bonne position. C'est sûr que, moi, c'est ce que je vise, là, un poste partant pour l'an prochain. Soit en tant que corner, soit en tant que free safety, je sais pas encore, mais c'est sûr que je vise un poste partant pour l'an prochain. Là, c'est non négociable. Là, je vais travailler tous les efforts pour mettre toutes les chances à mon bord. Simon est à sa dernière année, je crois, je me trompe pas, hein? Oui, quatrième année, sa dernière. Est-ce qu'il y a eu, je vais parler plus avec lui bientôt, là, parce que je sais que c'est une année de décision, football universitaire. Est-ce qu'il y a eu des approches de fait, mais je vais lui parler plus davantage. Oui, il y a Concordia qui est venu au cégep à Jonquière rencontrer les finissants, puis qui a parlé avec Simon. Okay. À part ça, je suis pas vraiment au courant. Là. C'est sûr que ça, je suis sûr que Concordia, ça oui. OK. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Là, en fin de semaine, faut s'attendre à ce que tu sois testé, hein? Parce que souvent, quand t'es la recrue, on teste le demi de coin qui est la recrue. Fait que j'imagine qu'on va on va te tester beaucoup la position. Tu vas être identique à la position faible de l'équipe adverse, là. Ah oui, c'est sûr. Puis je m'en attends. C'est pour ça que je vais travailler très fort cette semaine pour, comme j'ai fait tout au long de la saison, dans le fond, pour être sûr d'être prêt. C'est, ils savent, là, Simon, qui est l'autre demi de coin, il est connu, ça fait 2 ans qu'il est équipe étoile. Fait que, ils savent qu'attaquer Simon, c'est pas non plus la meilleure des idées. Mm. Fait que c'est sûr que je m'attends à ce qu'il m'attaque tout au long de la game. Mm. Puis j'espère faire les jeux qui vont nous rapporter la victoire. OK. Si on parlait maintenant de ton niveau scolaire maintenant, oui. T'es en quoi? T'es dans quel domaine? Présentement, je suis en gestion de commerce. Donc, Est-ce que tu vas faire la relève à ton père? On n'est pas rendu là. Mais, ou encore ta mère, parce que ça peut être ta mère aussi. Oui, là. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais mieux, une école de conduite ou une informatique? Les deux si on peut. Les deux si on peut, OK. Je pense que Simon est là-dedans aussi, hein? Non, Simon, lui, il est présentement en génie chimique. Ah, OK, il est en génie civique. Donc, gestion de commerce, c'est. Donc, toi, tu viserais peut-être les deux, c'est ça? Ouais, c'est sûr, mais tu sais, on n'est pas rendu là Ben non, encore, c'est sûr qu'il reste là. Il y a 3 ans. encore pas mal de chemin à faire. C'est ma première année en plus en gestion de commerce parce que l'an passé, j'étais en sciences humaines. T'aimes-tu Donc, ça? oui, j'aime vraiment ça. Je suis très motivé par les cours qui, c'est vraiment plus intéressant pour moi que les sciences humaines. OK. Niveau scolaire, niveau académique, ça va-tu bien de ce côté-là aussi? Parce que souvent, c'est des notes. Oui, ça va quand même assez très bien. L'année passée, dans le fond, dans mes 2 dernières sessions, j'ai seulement coulé un cours. Donc, je pense que ça va assez bien. Puis cette année, c'est bien parti aussi. Okay. D'après moi, il ne devrait pas avoir de problème, là. OK. On va revenir au match contre la Pocatière. J'étais à Allemand en fin de semaine. J'étais allé voir ça un peu. C'est vrai que j'ai pas regardé plus la game qu'il faut. J'ai fait ce qu'on appelle du social. Mais Oui. quand même, comment tu vois parce que là, la Pocatière, François Laberge me disait que c'est une équipe qu'il faudra surveiller. Donc, comment tu vois ça d'ici la fin de l'année? La Pocatière, son reste là, ça fait, t'sais, sont dans leur lancée, ça fait 3 games qu'ils gagnent de fil. Donc, faut les attendre de pied ferme, puis faut surtout pas les sous-estimer parce que je pense que depuis le début de l'année, c'est l'équipe qui nous a donné le plus de fil à retordre, surtout en première demi. Donc, faut vraiment travailler fort cette semaine, je pense, pour bien les accueillir, puis sortir de là avec la victoire, là. Ok. Puis j'imagine que c'est rien de moins que le bol d'or qu'on vise là. Ah oui, c'est sûr que depuis le début de l'année, dans le fond, on met tous les efforts nécessaires pour s'y rendre encore une fois cette année, puis d'en sortir victorieux, mais on y va un match à la fois aussi, faut pas regarder trop loin. Fait Ok. que comme là, ce qu'on voit, nous, c'est la Pocatière, là, on voit juste ça, là. Ok. Dis-moi, début, t'as dit, je vais travailler très fort, puis je me l'attends. Sur quoi? Je m'en attends que la pagatière va m'attaquer. Sur quoi tu travailles cette semaine? Cette semaine, je vais surtout travailler ma couverture homme à homme. OK. Vraiment mettre l'emphase là-dessus, puisque je pense qu'il va y en avoir quand même pas mal en fin de semaine. Puisqu'en couverture de zone, je me sens assez confortable. C'est sûr que je vais essayer de mettre tous les efforts dans le fond pour que ma couverture homme à homme, ça accroche aussi, là. OK. Ça va m'aider aussi, Okay. Ben, William, je te trouve pas mal bon pour première entrevue. là. Merci. Les jeunes s'améliorent de plus en plus. Je trouve que si on prendrait l'année passée, c'est sûr qu'on s'habitue à un moment donné à faire des entrevues, là. Parce que c'est pas évident pour des jeunes de parler à la radio. Donc, bravo puis félicitations. Puis au plaisir de Merci se beaucoup. parler, puis on va se parler sûrement au cours des prochaines années. Puis on va parler avec ton frère, parce que ton frère bientôt a une décision à prendre. Fait qu'on va être là pour Oui. couvrir l'événement. Parfait, merci beaucoup. Voilà, donc William Gagnon de Dolbeau-Missassigny qui va son premier départ dans le football collégial en fin de semaine.